你散步你没打风你散步你没打风chargé de forme et de succès, ni symbole ni métaphore, chargé de forme et de succès. Ni symbole ni métaphore, ni symbole ni métaphore.Mais les succès, ni symbole, ni métaphore, chargé de former les succès.